De la prise de conscience. Que serions-nous sans l'œuvre de la croix? Déborah Loma. Tu as tout abandonné pour mourir à la croix. Tu as versé ton sang pour que moi je sois sauvé. Papa Taïske. C'est toi qui m'as dit yo. Oye, coco fait la nane koulousou. Taïne nanye. Ta fouta yo nino. Martinez, sonnez les bisous bakurona Kidoko, bon alokouma Nzambe. C'est ça. Ma vie a changé sur la croix de Golgotha. Oh, oh, oh, oh. Pour un sacrifice, mon nene, pour Selenina yo. Tu as pris ma place.